Nous poursuivons donc cette année la lecture de l'évangile de Saint Luc. Saint Luc qui est l'évangéliste de la miséricorde, l'évangéliste aussi par excellence de la Vierge Marie, de l'Esprit-Saint, mais c'est aussi l'évangéliste qui nous montre Jésus en prière. Il est en prière au moment où le ciel s'ouvre à son baptême au Jourdain par Jean le Baptiste. Il est en prière aujourd'hui, nous le voyons, quand ses disciples lui demande d'être enseigné. Il est en prière au mont Tabor quand il est transfiguré dans la gloire de Dieu. Il est en prière, nous le montre Saint-Luc encore, à Gethsémani, quand il supplie le Père. Et il est même en prière sur la croix, quand il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Pourquoi Jésus est en prière, lui qui est Dieu? Eh bien, d'une certaine manière, Jésus, comme Fils de Dieu, est le parfait adorateur. Saint Jean nous dit qu'il est dans le sein du Père ou qu'il est tourné vers le Père. C'est-à-dire qu'il reçoit son être de Fils perpétuellement d'un don du Père et en retour, il lui fait l'hommage, l'adon de tout son être. Donc si pour nous la prière est une activité, je dirais que Jésus, c'est son être même de Fils qui est palpitation d'adoration pour son Père, même s'il est aussi Dieu que son Père. Alors cette orientation, cet être de prière du Fils, eh bien, se traduit dans son incarnation dans le temps par cette activité de la prière. Jésus qui passait ses nuits à prier et ses journées dans son activité, dans son ministère. Comme ça devait être beau de voir Jésus prier. Vous savez, c'est toujours beau de voir, de capter parfois un visage qu'on sent saisi dans l'intériorité. Je me rappelle, j'ai toujours été marqué par Jean-Paul II, la beauté de son visage quand on le sentait saisi de l'intérieur par le Seigneur. La prière devient un charisme à ce moment-là, aide les autres à entrer dans cette intériorité. A fortiori, Jésus, qui est le parfait adorateur, l'amène du... Or, on demande eh bien, une méthode de prière comme Jean-Baptiste l'a donnée à ses disciples. Il certes donne une formule, donne une prière qui va être retenue et qui est centrale dans la tradition chrétienne. Mais au fond, quand Jésus nous enseigne à prier, quel est le premier mot qu'il met sur les lèvres, sur nos lèvres? C'est « Père ». Autrement dit, la prière est une activité filiale. Et puisqu'elle est filiale, elle demande l'esprit de Fils. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui se termine en disant « Combien plus le Père céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à celui de... » Mais aujourd'hui, la liturgie nous propose de regarder notre Père sous l'angle particulier de l'intercession. On pourrait en dire beaucoup sur le Notre Père qui résume d'une certaine manière toute la vie chrétienne. La première lecture met en lumière ce mystère de l'intercession. C'est Abraham qui, en bon oriental, essaie de bargainer avec Dieu le salut de Sodome. 50, 45, 50, il descend jusqu'à 10. Et Dieu qui est bon et miséricordieux, pour 10, je ne détruirai pas Sodome. Nous savons qu'heureusement, il n'en trouvera pas 10 justes pour sauver cette ville qui sera détruite. C'est un peu la préfiguration de l'intercession du Christ. Car le prophète nous dit que le Christ s'est chargé du péché des multitudes. Lui qui était sans péché, eh bien, il s'est livré pour nous. Donc, sur la terre, tous les hommes sont pécheurs, sont tous privés de la gloire de Dieu, nous dit Paul, qui leur donne d'être justes par la seule grâce, en vertu de la rédemption accomplie par le seul juste, Jésus, qui par son sang nous obtient le pardon. Donc, l'intercession dans sa plénitude, c'est Jésus qui la réalise déjà avant sa mort quand il prie « Père, avec le pouvoir que tu m'as donné sur toute chair, que tu donnes la vie éternelle à ceux que tu m'as donné. » Mais sa prière culmine pour nous son intercession parfaite en levant les mains pour le monde sur la croix où il s'offre pour nous. Et il nous réconcilie avec son Père par son sang. Mais ce ministère de l'intercession, Le Christ désire qu'il se prolonge dans les membres de son corps. Nous sommes tous prêtres. Nous sommes tous appelés à lever les mains, comme nous allons le faire tout à l'heure pour le Notre Père. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Nous devons demander de bonnes choses à Dieu et pour ceux que nous aimons et pour le monde. Donc si Jésus ne nous donne pas une recette de prière ou une technique, il nous donne l'Esprit. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, au verset 26, « L'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas prier comme il faut. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. Et Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles. » Donc, pas de recette, pas de technique, mais un don que le Christ nous a fait. Il nous communique son esprit d'intercesseur afin que nous prions. Personnellement, comme prêtre, la prière d'intercession prend une place de plus en plus importante. C'est sûr que comme ministre ordonné, j'ai une grâce particulière pour porter le peuple de Dieu. Et j'ai parfois des joies, des récompenses. La semaine dernière, j'ai célébré les fiançailles d'une jeune fille pour laquelle je priais depuis longtemps afin qu'elle rencontre quelqu'un. Et je crois qu'elle a vraiment rencontré la bonne personne. Donc c'est gratifiant de voir parfois des résultats. Souvent, on n'en voit pas. Mais le Seigneur nous demande d'avoir confiance. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Jésus, le premier, a vécu ces vérités. Jusqu'à Gethsémani, jusqu'à suer du sang, il a intercédé pour nous. Et il n'a pas voulu faire sa volonté, mais celle de son Père, afin de nous sauver. Donc, Dieu nous donne cet Esprit Saint afin que nous prions, que nous demandions de bonnes choses pour nous-mêmes. Oui, frères et sœurs, prions pour le monde, prions pour ceux que nous connaissons qui ne prient pas, prions pour ceux qui sont dans la souffrance et l'injustice. Et plus nous prions, plus l'Esprit vient prier en nous. Et c'est dire à Paul, donc, Dieu qui scrute les cœurs connaît les intentions de l'Esprit, puisque c'est selon Dieu que l'Esprit intercède pour les fidèles et dans le cœur des fidèles. C'est pourquoi les saints obtenaient toujours ce qu'ils demandaient, parce qu'ils demandaient ce que Dieu voulait donner. C'est l'Esprit Saint qui sait ce qu'il veut nous donner. Si nous prions dans l'Esprit, eh bien, nous serons exaucés d'une manière ou d'une autre. C'est une loi divine. Demandez, vous obtiendrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Frères et sœurs, la prière d'intercession de toute l'Église va culminer maintenant dans cette prière eucharistique. Je vais lever les mains comme le Christ sur ses apôtres, comme le Christ sur la croix, sur le monde. Nos intentions vont culminer dans cette prière en plénitude. Et nous allons répandre sur le monde cette rosée de bénédiction, afin que celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvre.